les stands du parti, les posters de Che Guevara, l'on a eu sa dose aujourd'hui. Faut dire qu'elle serait plutôt de l'autre côté du drapeau, plus CIA que KGB, et plus Pinochet qu'Allende. Faut dire qu'elle est con comme un veau, elle est facho. Et ouais, elle est faite populaire, après tout, c'est pour tout le monde. C'est pas écrit sur son imper qu'elle adore la bébête immonde. Vaut mieux car dans cet univers, elle pourrait bien se faire tondre. Ça serait dommage, car sa crinière de cheveux blonds, elle en est fière. Arienne jusqu'au fond des yeux, ça détonne dans sa banlieue. Elle aime aussi sa blanche peau, elle est facho. Elle voit partout les bolcheviks, elle imagine des complots contre l'ordre, contre les flics, contre l'église et le drapeau. Elle voue une haine chronique à la télé et aux journaux. Elle conchit les politiques, les jeunes qui vont à volo, et les mœurs pas très catholiques, et les PD et les micos. Elle rêve d'un ordre nouveau, elle est facho. Surtout la nostalgie du sabre et du goupillon, de la nation, de la patrie, débarrassée d'immigration, dit que l'ancien temps était béni, comme disent la plupart des cons. Regrette le temps des colonies, la peine de mort légalisée, de l'avortement interdit, et maudit les jeunes filles voilées. Et elle lit National Hebdo, elle est facho. Souhaite qu'un jour, si elle a un môme, il se retrouve à 18 balais, plein d'éducation et de diplômes, d'idées rebelles, d'humanité, et qu'ils lui disent tes vieux discours manquent singulièrement d'amour. Qu'il rajoute à la triste dame, reste donc le nez dans ta merde, je suis amoureux d'une musulmane, je vote écolo et je fume de l'herbe. Espérons que ça lui fera la peau, à la facho. Espérons ça lui fera la peau à la facho qui vote Sarko.